Bad bitch, est plus j'écharpe que le go fast. 630 chevaux, je paye la table et l'écotaxe. À tombeau ouvert, j'ai des motards dans le rétro. Je vais payer ta dot avec l'argent de la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop, gueule trop. Elle est trop chevrée pour ce fils de brochet. Si je me penche un peu, je peux voir ça que je n'ai. Attention, j'ai le machin près des yoku. Elle a rien dans le crâne, tout dans le bout. J'suis dans le merco, plus frais que Sub-Zero. La première dose est gratuite, ensuite faut des dinero. Après l'heure, c'est pas l'heure, faut prévenir les livreurs. Pour éviter l'erreur, faut un deuxième tireur, tireur. Bad bitch, et puis j'écharpe que le go fast. 630 chevaux, j'paye la table et l'écotaxe. À tombeau ouvert, j'ai des motards dans le rétro. J'vais payer ta dot avec l'argent de la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop, gueule trop. La sacoche Paris avec le survêt. Survêt. Devine où j'ai mis mon 9mm. Devinette. Cousine, si t'es hop et viens à l'hôtel. L'hôtel. Fais-toi très belle et ramène du gel. J'encule vos lois, je les mets de côté comme un string. Coupe plaquette avec un doigt, comme un putain de Shaolin. J'ai tété les seins de la rue, c'est kiffant comme la repu. J'suis là depuis le début, à la place du cœur un obus, obus. Bad bitch, et puis j'écharpe que le go fast. 630 chevaux, j'paye la table et l'écotaxe. À tombeau ouvert, j'ai des motards dans le rétro. J'vais payer ta dot avec l'argent de la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop. De la gueule trop.